إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اتقوا الله واعلموا رحمكم الله أن تقوى الله هي خير زاد العبد خير زاد يوصل إلى رضوان الله وفي هذا يقول تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فاتقوني يا أولي الألباب عباد الله إن عنوان السعادة إن عنوان سعادة العبد في هذه الحياة وأساس فلاحه في الدنيا والآخرة أن يكون حافظا للحدود حافظا لحدود الله ومحافظا على الأوامر حافظا نفسه في طاعة الله ومن حفظ الله حفظه الله ومن اتقى الله وقاه Serviteur d'Allah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que Allah vous fasse miséricorde, que at-taqwa, c'est la meilleure provision qui peut vous amener vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que at-taqwa? C'est de faire ce que Allah vous ordonne et de vous écarter de ce que Allah vous interdit de faire et de le faire en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et de le faire également en craignant son châtiment. Et donc, la meilleure provision qui amène à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est at-taqwa, la piété. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit justement dans le Coran ce qui signifie وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى Et prenez des provisions, car la meilleure des provisions, c'est la piété. Alors craignez-moi, ô vous qui êtes détenteurs de raison, ceux d'entre vous qui réfléchissez, serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachez que la clé du bonheur pour le serviteur dans cette vie d'ici-bas et la base de son succès dans la vie de cette vie d'ici-bas et de l'au-delà, c'est qu'il préserve les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il garde les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il garde en lui-même l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui garde Allah, Allah subhanahu wa ta'ala le garde. Et celui qui crée Allah, Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وفي رواية احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. عباد الله، إن حفظ الله يعني حفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه. فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال الله عز وجل: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقد فسر الحفيظ هنا بالحافظ لأوامر الله، وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها. عباد الله، ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله سبحانه وتعالى الصلاة، فإنها عمود الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين، وقد أمر الله بالمحافظة عليها فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومدح المحافظين عليها بقوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان الله له، وكان عنده عهد أن يدخله الجنة. وفي حديث آخر: من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. serviteur d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur sa monture avec Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, et il a dit: oh jeune garçon, je vais t'apprendre quelques paroles, alors préserve-les. Souviens-toi d'Allah et préserve Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah va te préserver. Préserve Allah subhanahu wa ta'ala, tu le trouveras dans ta direction. Lorsque tu demandes, demande uniquement à Allah. Et lorsque tu cherches de l'aide, cherche uniquement l'aide d'Allah. Et sache que si tous les hommes se réunissaient pour te faire un mal quelconque, ils ne pourraient te faire un mal que ce que Allah a écrit pour toi. Et s'ils se réunissaient pour te faire un bien quelconque, ils ne pourraient te faire que ce que Allah a écrit comme bien pour toi. Et donc cette parole de préserver Allah subhanahu wa ta'ala, cela signifie de préserver et de garder les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que ses droits, ses ordres et ses interdictions. De préserver Allah subhanahu wa ta'ala en préservant les choses qu'il nous a, yani en préservant notre personne de faire ce que Allah nous a interdit de faire, et en faisant ce qu'il nous a ordonné de faire. Et donc, lorsqu'on préserve les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on s'abstient de ce qu'il nous a interdit et on fait ce qu'il nous a ordonné. Donc, celui qui fait partie de ceux qui préservent les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait partie donc de ceux que Allah a glorifiés dans son livre, dans le Coran, lorsqu'il dit: voilà ce qui vous a été promis pour tout serviteur repentant qui préserve les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala dans l'invisible, c'est-à-dire qui craint Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il ne le voit pas, et qui vient à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur repentant. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit « Awwab Hafiz »,« Hafiz », les ulama ont expliqué que ça signifie celui qui préserve les règles d'Allah et les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui préserve le fait de s'abstenir de ses péchés pour s'en repentir. Serviteur d'Allah, sachez également que parmi les choses les plus importantes que le serviteur doit préserver parmi les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la salat. Parce que la salat, c'est le plus important des piliers de l'islam après les deux témoignages de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné donc de préserver les salawat. Il dit, préservez les prières, les prières quotidiennes, obligatoires, et en particulier la salat al-wusta, c'est-à-dire la prière d'Asr. Et il a fait l'éloge, et il a glorifié ceux qui préservent leur salawat, leur prière obligatoire. Il dit, « وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ » Hein? Il a fait l'éloge de ceux qui restent fidèles à leur prière et qui les préservent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 5 prières que Allah a rendues obligatoires. Celui qui les préserve et qui ne les gaspille pas ou qui ne les délaisse pas, eh bien, ça fait partie des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'il préserve ces prières-là et qu'il les respecte et qu'il ne les néglige pas, il ne néglige pas leurs droits, eh bien, il aura un engagement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah le fasse entrer au paradis. Et s'il les préserve, ces 5 prières par jour, elles seront pour lui au jour de la résurrection une lumière, une preuve et un salut. عباد الله مما أمر المسلم بالمحافظة عليه الطهارة فإنها مفتاح للصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ومما يؤمر به وبحفظه الأيمان قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم فإن الأيمان عباد الله يستهين بأمرها كثير من الناس ومن الأمور كذلك التي يؤمر المسلم بحفظها حفظ الرأس وحفظ البطن وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى خرجه الإمام أحمد والترمذي وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على المحرمات قال الله عز وجل واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه وقد جمع الله ذلك كله في قوله تعالى ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ويتضمن ذلك حفظ البطن من ادخال الحرام اليه من الماكل والمشارب ومن اعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عز وجل serviteur d'Allah. Parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne également aux musulmans de préserver, il y a la purification et la pureté. Et ça, c'est la clé de la prière. Donc si quelqu'un veut faire la salat, une des conditions, c'est qu'il soit en état de pureté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul ne préserve ou ne garde sa pureté, excepté le croyant. Nul ne garde son wudu, excepté un croyant. Et parmi également les choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de préserver en tant que mu'min, il y a les serments. Donc le musulman est ordonné de préserver son serment. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ, c'est-à-dire de garder vos serments. Approchez-vous. Approchez-vous un peu parce qu'il y a des gens qui rentrent en arrière et qui ne trouvent pas d'espace. Donc le musulman, lorsqu'il donne sa parole et lorsqu'il donne un serment, eh bien, il doit préserver son serment. Et c'est quelque chose que malheureusement beaucoup de gens négligent. Et également parmi les choses que le musulman doit préserver, il doit préserver sa tête et il doit préserver son intérieur. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a rapporté dans un hadith, il a dit, le fait d'avoir réellement la timidité et d'être gêné d'Allah comme il mérite qu'on soit gêné de lui, c'est de préserver notre tête et ce qu'elle absorbe, et de préserver l'intérieur et de tout ce qui y pénètre. Et ça s'est rapporté par l'imam Ahmad et At-Tirmidhi. Et le fait de préserver la tête et ce que la tête absorbe ou reçoit comme information, c'est de préserver l'ouïe de tout ce que l'ouïe entend, de préserver les yeux, de préserver la langue de tout ce qui est haram. Parce que tout ce qui rentre par les yeux et par les oreilles, et tout ce qui sort par la langue, c'est en réalité ce qui peut amener un serviteur à sa perdition. Également, de préserver l'intérieur, eh bien ça implique de préserver le cœur. De préserver le cœur en ne persistant pas à faire les péchés et les choses interdites. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sachez que Allah sait ce qu'il y a en vous-même, alors craignez-le. Il sait ce qu'il y a dans vos cœurs, et donc craignez Allah avec ce qu'il y a en vous-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala a réuni ces points-là dans un seul verset, dans Surat al-Isra. Il dit, certes, l'ouïe, la vue et le cœur, ce sont des choses au sujet desquelles le serviteur sera questionné et sera responsable au jour de la résurrection. Et également, le serviteur est responsable de préserver son intérieur également. Et parmi les exemples de ce qui fait partie de son intérieur, il y a son ventre. C'est-à-dire de ne laisser entrer dans son ventre que ce qui est halal parmi les choses qu'on mange et parmi les choses qu'on boit. Et ça, malheureusement, ça fait partie des choses qui sont parmi les plus grandes interdictions lorsqu'on laisse entrer des choses haram, de l'alcool, ou des choses haram comme du porc, ou bien d'autres nourritures qui sont haram aussi. وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ كَذَلِكَ عِبَادَ اللَّهِ حِفْظُ اللِّسَانِ وَالْفَرْجِ فَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَرِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ خَرَّجَهُ الْحَاكِمُ وَأَمَرَ اللَّهُ عز وجل بحفظ الفروج ومدح الحافظين لها فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقال الله عز وجل والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن قال سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Également parmi les choses que le musulman doit préserver, il doit préserver sa langue, il doit préserver ses parties intimes. Abu Huraira radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, celui qui préserve ce qu'il y a entre ses mâchoires et ce qu'il y a entre ses deux jambes, il entrera au paradis. Faites un peu d'espace pour les frères qui arrivent. Donc, qu'est-ce qu'il y a entre les deux mâchoires? C'est la langue. Hein? Et qu'est-ce qu'il y a entre les deux jambes? C'est les parties intimes. Et donc, celui qui préserve sa langue de dire des mensonges ou de dire des choses qui sont interdites, et celui qui préserve ses parties intimes, hein, de ne pas faire, d'avoir des rapports intimes avec des gens en dehors du mariage, eh bien ça, c'est clair que c'est parmi les choses que le musulman doit préserver. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne cela dans plusieurs versets et il fait l'éloge de ceux qui se préservent eux-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala dit aux croyants qu'ils rabaissent leur regard et qu'ils préservent leur partie intime. Également, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et ceux qui préservent leur partie intime, et celles qui préservent leur partie intime, hommes et femmes. Et ceux qui se souviennent beaucoup d'Allah, et celles qui se souviennent également beaucoup d'Allah, Allah a préservé pour eux un pardon et une grande récompense. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également ce qui signifie, certes, ceux qui sont croyants ont le succès. Ceux qui sont humbles dans leur prière, dans leur salawat, et ceux qui préservent leur partie intime, excepté de leur épouse ou de ce que leur main droite possède, car ceux-là ne peuvent être blâmés. عباد الله هذه أنواع وأفراد مما ينبغي على المسلم أن يحفظه. Approchez-vous un peu, encore une fois. Désolé. عباد الله هذه أنواع وأفراد مما ينبغي على المسلم أن يحفظه وإلا فإن حفظ الله جل وعلا يتناول فعل الأوامر واجتناب النواهي والوقوف على حدوده تبارك وتعالى فلا تتجاوز إلى غيرها عباد الله إن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله فإن الجزاء من جنس العمل حفظ الله للعبد حفظ الله للعبد يدخل فيه نوعان أحدهما حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله قال الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قال ابن عباس رضي الله عنه هم الملائكة يحفظونه بأمر الله فإذا جاء القدر خلوا عنه وقال علي رضي الله عنه إن مع كل رجل ملكين يحفظونه مما لم يقدر فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه وإن الأجل جنة حصينة والنوع الثاني من الحفظ وهو أشرف النوعين حفظ الله للعبد في دينه ودنياه في دينه حفظ الله في دينه وإيمانه يحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان ومن هذا القبيل ما ثبت في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم احفظني بالإسلام قاعدة واحفظني بالإسلام قائمة واحفظني بالإسلام راقدة ولا تطع في عدوا حاسدا خرجه ابن حبان في صحيحه فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا وعليكم ديننا وأن يثبتنا على الإيمان وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يحفظنا جميعا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا الله ونعم الوكيل. Serviteur d'Allah, toutes ces formes de façon de préserver Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ça comprend en réalité tous les ordres d'Allah et toutes les interdictions, et de s'arrêter aux limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas les dépasser. Serviteur d'Allah, sachez que de préserver les limites d'Allah a comme conséquence et comme résultat que Allah subhanahu wa ta'ala va nous préserver. Parce que la récompense, elle correspond toujours à l'action. Et sachez également que lorsqu'on dit que le serviteur, ou bien lorsqu'on dit que Allah va préserver son serviteur, eh bien, ça rentre dans deux catégories. Premièrement, que Allah subhanahu wa ta'ala préserve le serviteur dans sa dunya, et dans ce qu'il a comme dans sa personne, dans ses enfants, dans sa famille, dans ses biens. Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie dans le Coran. Et il a des anges, par devant et par derrière lui, qui se relaient pour le préserver de l'ordre d'Allah. Et Abdullah ibn Abbas a expliqué cela en disant que ce sont des anges qui le préservent par l'ordre d'Allah, et lorsque vient la prédestination, eh bien il le laisse. Et également Ali radiallahu anhu, il dit que chaque homme est préservé par deux anges. Et donc tout ce qui n'a pas été prédestiné pour lui, eh bien il est protégé par ces deux anges-là. Tandis que lorsque quelque chose vient de la prédestination, eh bien il le laisse entre lui et ce qui a été prédestiné. Et la deuxième sorte de façon dont Allah nous préserve, et c'est la plus importante, c'est lorsque Allah nous préserve dans notre religion et dans notre foi, et nous préserve dans notre vie contre les ambiguïtés et les doutes qui égarent, et contre les désirs et les passions interdites, et il nous préserve dans notre religion pour que, au moment de notre mort, eh bien, on reste sur la foi et on ne tombe pas dans la mécréance. Et il a été rapporté par Omar ibn al-Khattab que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné de dire: oh Allah, préserve-moi par l'islam quand je suis debout, et préserve-moi quand je suis assis, et préserve-moi avec l'islam lorsque je suis debout, et préserve-moi avec l'islam lorsque je suis couché, et n'obéis pas contre moi à un ennemi qui serait jaloux. C'est rapporté par Ibn Hibban. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver dans notre religion et dans nous-mêmes, et de nous préserver contre toutes les formes de fitan, qu'elles soient apparentes ou cachées. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واحفظوا حدوده وحافظوا على طاعة الله ما دمتم في دار العمل. وليعلم كل واحد منا أن حفظه في هذه الحياة هو في الحياة الآخرة مرتبط تمام الارتباط بالمحافظة على طاعة الله والالتزام بأوامر الله. ومن حفظ الله حفظه الله، ومن اتقى الله وقاه فإن الجزاء من جنس العمل. ولتعلم أخي المسلم أن حاجتك إلى حفظ الله لك في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة أعظم الحاجات، وضرورتك إلى ذلك أشد الضرورات، فعليك أن تأخذ بسبيل حفظ الله لك، فتكون محافظا على طاعة الله، ملتزما بأوامر الله، قائما بما أمرك به تبارك وتعالى، ليحفظك في نفسك، ويحفظك في مالك، ويحفظك في أهلك، ويحفظك في دنياك وفي آخرتك. فأنت بحاجة إلى حفظ الله لك في كل صباح ومساء، وفي كل يوم وليلة، وفي كل قيام وقعود، وفي جميع شؤونك. سبحان هذا الله، فهي الله سبحانه وتعالى préserve ses limites et ses ordres. Préservez l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala tant que vous êtes dans cette vie d'ici-bas, qui est la vie de la terre ou la demeure de l'action et des œuvres. Et que chacun d'entre vous agisse pour préserver dans cette vie d'ici-bas les obligations qu'il a envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car si tu veux que Allah te préserve, eh bien cela est relié à ton obéissance envers Allah et à la manière dont tu t'attaches à ses ordres et à ses obligations. Si tu préserves Allah, Allah te préservera. Et si tu le crains, il te protégera. Parce que la récompense est toujours correspondante à l'action. Et sache, frère musulman, que ton besoin d'être préservé par Allah dans cette vie d'ici-bas est plus important et le plus grand de tous tes besoins, et plus nécessaire pour toi que toute autre chose. Et donc sache que si tu veux être préservé par Allah, eh bien, préserve son obéissance, accroche-toi à ses ordres et sois debout dans ce qu'il t'ordonne de faire,